Chapitre 11e. L'insecte qui passe sur le chemin est écrasé sous le pied lourd du paysan. La destruction est instantanée. L'organisme a cessé de souffrir. Madame Loisy avait été écrasée elle aussi, et après la première exaltation douloureuse, quand le médecin eut prononcé l'arrêt définitif, quand elle dut abandonner cet espoir qui survit même à la certitude, dernier crépuscule de la lumière disparue, il s'était fait en elle, tout à coup, comme un amoindrissement subit, une diminution de tout l'être, sensation qui ne trouvera de terme de comparaison que dans un livre qui se ferme ou une lorgnette qui se replie. Son visage, un peu replet, s'était tout à coup allongé. Les épaules s'étaient pliées, sa poitrine s'était rentrée. On eût dit même que sa taille avait diminué. Les ailes du nez, les lèvres, tout s'était serré, aminci, les cheveux s'étaient aplatis sur les tempes, les mains s'étaient amaigries et avaient pâli. Doucement, avec des gestes de somnambule, elle avait fait la toilette du mort, écartant d'un signe expressif Abel qui voulait l'aider. Elle était allée dans le jardin cueillir les fleurs du printemps et avait disposé une sorte de chapelle ardente avec des minuties enfantines. Gabriel, appelé par son père, était accouru. Madame Loisy l'avait remerciée d'un sourire triste, puis s'était assise à côté d'elle, au pied du lit, lui abandonnant sa main que la jeune fille avait prise dans les siennes. Abel était attristé, embarrassé aussi. Si criminel que soit un être humain, il est des impressions naturelles contre lesquelles rien ne prévaut. La mort de son père avait été pour lui une douleur plus physique, peut-être, que morale. Cet organisme, aux fibres toujours tendues, avait vibré avec une intensité, une acuité torturante. À un moment, il avait cru qu'il succomberait à une crise de nerfs. Il s'était fait en son cerveau, à sa gorge, un nœud d'étranglement. Puis, une détente subite, comme s'il allait pleurer. Il l'eût voulu. Il n'osa pas et se contint, concentrant toutes ses forces pour garder le mutisme de sa tristesse. Il lui semblait que c'eût été un immense soulagement pour lui que de crier, se tordre, se rouler sur le plancher, s'accrocher aux meubles, les frapper du poing, les griffer de ses ongles. Un instinct lui disait qu'il devait se tenir immobile, n'être pas entendu, n'être vu qu'à peine. Il s'était glissé dans un coin de la chambre et là, assis, les mains aux genoux, comme naguère dans la salle à manger, où il pensait au crime commis le matin, il restait inerte, les paupières lourdes, les lèvres sèches. Pourquoi sa mère ne l'avait-elle pas embrassé? Il était maintenant le seul être au monde qui lui resta. Pourquoi n'avait-elle pas pleuré dans ses bras? Pourquoi ne se blottissait-elle pas auprès de lui puisqu'elle ne savait rien? Elle était en face de lui, éclairée par le rayon de soleil qui venait de la fenêtre. Il l'examinait à la dérobée, glissant un coup d'œil à travers ses cils baissés, et jamais il ne rencontrait son regard. Elle lui semblait s'effacer, se perdre dans la lumière blanche comme une apparition qui s'évanouit. Puis là, sur le lit, la forme rigide du cadavre apparaissait. Le drap s'était lentement abaissé, moulant les angles de cette charpente qui avait été si vigoureuse et qui aujourd'hui saillissait, sous l'étoffe blanche, en pointe osseuse. Il se rappelait l'autre. La chair avait conservé ses rondeurs, moins effrayantes dans leur immobilité que cette vision dissimulée de squelette. Parfois il avait l'hallucination du mouvement et il se demandait, dans sa névrose lancinante, si le cadavre n'allait pas se dresser pour l'accuser. Mais pourquoi tout ce monde lui témoignait-il tant de froideur? Pourquoi, dans le silence, dans l'abattement de ses douleurs prostrées, devinait-il une répulsion? Certes, Gabriel devait lui garder rancune, aussi M. Berthemont, solidaire de sa fille. Mais l'abbé s'était détourné de lui, mais sa mère ne lui avait pas fait le moindre partage de son désespoir. Pourquoi? Pourquoi? Et ce mot, incessamment répété, martelait son cerveau. Il eût voulu se lever, remuer. Maintenant l'immobilité et le silence lui faisaient peur. Il désirait le bruit, l'éclat de quelque heure formidable remuant cette maison morte sur laquelle s'accroupissait un spectre. Le mouvement vint. Ce fut le médecin des morts. Puis le menuisier qui prit la mesure de la bière, puis les visiteurs, voisins indifférents, qui accomplissaient un devoir et satisfaisaient leur curiosité. Plusieurs lui parlèrent, lui donnèrent du « pauvre enfant ». Il se sentit un peu soulagé. Plus fort, il alla traîner son angoisse dans le jardin, et sans foi, il fit le tour des mêmes allées. Seulement, comme il s'était approché de la haie, des gamins qui passaient crièrent « Ouh, ouh !» et l'un d'eux lui lança une pierre. Il se réfugia derrière le bouquet d'arbres, et là, adossé à un peuplier, il frissonnait, blême, et serrant son vêtement contre lui, comme s'il avait froid. il murmurait. « Mais qu'est-ce qu'ils en ont, tous, tous ?» Et plus bas, il ajoutait. « Je ne leur ai rien fait, pourtant. » Il en arrivait à juger que ses angoisses étaient trop cruelles, fût-ce même en châtiment du crime commis. Rentrera-t-il dans la maison ? Pas encore. Il aimait mieux se blottir dans cette solitude où nul ne venait le troubler. À mesure qu'il restait dehors, il avait plus d'épouvante de ce mort qui était sur son lit. Il entendit enfin les coups de marteau. Du moins, il ne le verrait plus. Puis, tout cela avançait, serait bientôt fini. L'enterrement se ferait le lendemain. Dans 24 heures, il serait libéré de ses tortures morales. Sa mère, isolée, désolée, lui reviendrait. Il se dévouerait à elle, comme il s'était dévoué à son père. La maison serait à lui. Il changerait certains détails. D'abord, il ferait arracher la haie et élèverait un mur. Il ne voulait plus qu'on pût regarder chez lui du dehors. Il planterait des arbres pour élever un rideau entre lui et la petite ville. C'était un rêve d'ermite qui peu à peu se substituait à ses visions. Il supputait l'héritage paternel. En somme, il était seul maintenant. Il serait le maître. Il lui prenait de petits frissonnements de plaisir en songeant à l'existence douillette et calme qu'il se ferait. Tout s'oubliait dans cette douceur de l'avenir placide. Il était réchauffé par le soleil qui jetait à travers les feuilles ses rondelles dorées. Les hantises de l'imagination s'effaçaient dans le lointain. Le cerveau se desserrait. Il respirait mieux. Le soir venait. Longtemps il hésita, redoutant de se mouvoir, de déranger ce repos dont il s'enveloppait. Mais il pouvait, et il voulait ne voir personne. Mieux valait laisser sa mère à son chagrin. Il tourna autour du petit bois, étouffant le bruit de ses pas, s'efforçant de ne pas faire craquer le sable. Le cabinet où il couchait donnait sur un corridor dont la porte s'ouvrait sur le jardin. Il vint là, ouvrit doucement, et se glissa dans sa chambre. Cette fois, il n'avait pas peur de la nuit. Il sentait qu'il dormirait calme. Il fallait gagner ses 12 heures aussi rapidement que possible. Toujours avec des précautions infinies, il ferma ses volets, ses rideaux, fit l'obscurité profonde, se déshabilla sans lumière et se coucha. Il y avait en lui une sédation inconnue depuis longtemps. Il s'endormit. Au matin, il s'éveilla, tout surpris de n'avoir pas rêvé. C'était la première fois depuis la mort de Georges. Il se sentait plein de force. Dans la maison, des bruits discrets, étouffés. Évidemment, on préparait tout pour la cérémonie funèbre. Une pendule sonna 7 heures. Encore 5 heures à attendre. Il comprit qu'il ne pouvait ainsi rester isolé de tout le monde. Il sortit par le couloir et revint dans le jardin. Longeant la maison, il vit sur le devant des ouvriers qui clouaient des tentures avec des coups sourds, comme si leurs marteaux eussent été enveloppés de linge. Ce ne serait plus bien long maintenant. Il eut l'ennui de rencontrer Thomas, mais le vieux domestique, lui lançant un regard noir, tourna autour de lui pour ne pas le toucher. Abel se dit qu'il le chasserait le lendemain. Il ne s'agissait plus que d'être patient. Tout a une fin en ce monde, et chant d'oiseaux ou coup de tonnerre, tout écho s'éteint. Évidemment, il y avait malveillance autour de lui. Malveillance et rien de plus. Les soupçons positifs ne seraient pas si timides. Si ces gens l'accusaient, il se montrerait violent et non hypocrite. Il n'admettait pas l'hypocrisie chez les autres. En cet être malfaisant, il y avait à la fois un coupable et un malade. Un coupable, car il avait la notion exacte de ce qu'il faisait et de ce qu'il avait fait. Le raisonnement, à la suite duquel il avait assommé son frère, s'était déduit net et clair dans sa conscience. Aujourd'hui, il discutait la situation avec la liberté apparente d'esprit qu'aurait eu un étranger. Un malade, car pendant qu'il tuait, pendant qu'il avait peur, pendant qu'il soupçonnait, pendant qu'il rêvait, Abel en avait dans tous ses membres, sous son crâne, aux articulations, au cœur, le fourmillement de la fièvre. Et sa morbidesse était telle qu'il n'en cherchait même pas l'excuse. Il ne la sentait pas. Il ne lui attribuait aucune de ses pensées qui n'était cependant qu'une résultante. Il subissait la flamme sans voir le foyer, mais il la sentait et analysait sa force. Mélange de passion incoercible et de sang-froid raisonneur. Devant la porte, les groupes se formaient. Les femmes s'avançaient vers le cercueil, drapées de noir et disparaissant sous les fleurs, s'inclinant d'une rapide génuflexion, esquissaient un signe de croix. Les hommes, graves, vêtus de noir, saluaient, le chapeau à la main. En l'absence d'Abel, voici ce qui avait été décidé entre Madame Loisy et ses amis. « Abel doit-il assister à l'enterrement ?» avait demandé M. Berthemont. « S'il le veut, » avait répondu Madame Loisy. « Pour tous, je désire qu'on croie à ses regrets. Ce sera un hommage rendu à mon mari. Ensuite, je refuse de le recevoir ici. » Madame Loisy avait articulé ces mots d'une voix nette, sans colère, mais avec une expression de volonté qui ne lui était pas habituelle. « Je vous comprends, » répondit l'abbé Lampequin, qui assistait entière à cet entretien rapide. « Monsieur Berthemont, vous avez parlé d'une place chez un de ses confrères. Vous avez compris qu'il n'y avait là que l'invention d'un bon cœur. Moi, j'ai trouvé quelque chose de positif. Un de mes amis, supérieur d'une communauté, consent à recevoir Abel chez lui. Il sait que c'est un grand coupable, rien de plus. Je le lui conduirai demain, à Beauvais. Le jour même, il partira avec lui pour Marseille et de là pour l'Australie. Il le traitera en malade et soignera à la fois son corps et son âme. « Acceptez-vous, Madame Loisy ?»« Oui, » dit-elle. « Mais Abel ?» demanda M. Berthemont. « Après l'enterrement, je l'emmènerai à la cure. Là, je le chapitrerai. Mon caractère me permet de lui dire ce que d'autres devraient lui cacher. Il ne me résistera pas. Il passera la nuit chez moi. À 5 heures du matin, nous serons partis. « Écoutez-moi, Madame Loisy, répondez-moi bien franchement. Vous ne voulez pas le revoir ?»« Non. » »« Je le pensais, mais vous-même, que ferez-vous ? » « Rien. Pendant l'enterrement, je resterai seul ici. Je prie Gabriel de revenir passer la journée avec moi. Puis ce soir, je désire que personne d'autre que moi ne veille dans la maison. Je veux rester seul avec mes souvenirs. Il sera fait comme vous le désirez. » Madame Loisy dut alors répondre aux condoléances des environs. Elle était calme, avec une placidité de morte. L'apériteur donna le signal du départ. Abel apparut, serré dans sa redingote noire qui l'amaigrissait, tête nue, et résolument, sans parler à personne, il prit la tête du convoi, derrière les porteurs qui, à bras, emportaient le cercueil. Il ne regardait ni à droite ni à gauche, retenant obstinément ses yeux sur la croix d'honneur qui, suspendue au drap, faisait étoile au-dessus de la bière. Derrière lui, M. Berthemont et quelques voisins. L'abbé marchait en tête, à côté de la croix, entouré de son vicaire et d'enfants de cœur. Le chantre jetait ses psalmodies d'une voix creuse. Quand Abel était arrivé, des chuchotements avaient couru dans la foule, mais le respect les avait étouffés. À l'église, et pendant le trajet, aucun incident. Pour aller au cimetière, on passait devant le sentier qui conduisait auprès des chaumes. Le même souvenir jaillit de toutes les mémoires, et il se fit comme un remous dans la foule. Abel ne voyait rien, ne savait rien. Il s'était en quelque sorte volontairement magnétisé, pour n'avoir aucune pensée jusqu'à ce soir, jusqu'à demain. Il accomplissait automatiquement une œuvre qu'il savait nécessaire et se contraignait à ne rien voir et à ne rien entendre. Le curé prononça les prières liturgiques. M. Berthemont dit quelques mots d'adieu à celui qui avait été son dernier ami. Puis la cérémonie fut terminée. Mais au moment même où le lien du respect funèbre fut brisé, il se fit dans la foule comme un réveil. Abel, inconsciemment, se tenait au bord de la fosse, surélevée en remblai. De là, il dominait les assistants et sa silhouette maladive se détachait sur le ciel pur. On vit là une bravade sacrilège. Un grondement sortit de toutes les poitrines, surtout de celles des paysans qui n'avaient jamais connu ni Loisy ni son fils Georges. Une voix cria. « Descends donc, canaille, qu'on te fasse ton affaire !» Et d'autres répondaient. « Allô, à l'arvette !» Le curé vit le danger. Il appela Thomas. « Vous m'avez donné 3 jours, » lui dit-il à voix basse. « Oui, monsieur le curé, tout le temps que vous voudrez, qu'il aille se faire pendre où il voudra. Mais les autres, c'est vous qui les avez excités. J'ai peur pour Abel. Prenez-lui le bras, monsieur le curé. Je réponds de tout. » L'abbé Lampequin alla vers Abel et le toucha doucement. Le jeune homme tressaillit et leva la tête. Il vit tous les yeux braqués sur lui. Un cri partit encore. « Tuons-le ! Allô ! » Instantanément, il eut la notion d'un danger et ses doigts se crispèrent au bras du curé. Celui-ci passa son bras sous le sien et lentement, le regard clair, il entraîna Abel, passant devant les groupes hostiles. On se tut. Seulement, les yeux parlaient. Il y avait là des rauquements de loups, prêts à se ruer. Abel se serra contre l'abbé. Ainsi, ils traversèrent la ville et arrivèrent à la cure. L'abbé fit entrer Abel, puis le conduisit à sa propre chambre. Là, Ayant refermé sa porte, il se tourna vers lui. « Mon enfant, lui dit-il, voulez-vous vous confesser? Je suis prêt à vous entendre. Moi, à quoi bon? Je n'ai rien à avouer. Écoutez-moi donc, dit l'abbé, je vais vous expliquer votre situation afin que vous sachiez bien ce qu'il vous faut faire, si vous voulez être sauvé. »